âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de splendeur. Tu t'enveloppes de lumière comme d'un manteau. Tu étends les cieux comme une tente. Tu fais des nuées ton char. Tu marches sur les ailes du vent. Tu envoies les sources dans les vallées, elles coulent entre les montagnes, elles abreuvent tous les animaux des champs, les oiseaux font leur demeure. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, que mon chant lui soit agréable. Je me réjouis en l'Éternel.